Pinaudien, Pinaudienne, ami du monde, ami des ondes, et d'ailleurs, c'est Cargo Cult. Et quand souffle le vent de la révolte, il contamine tout. Les circuits, les microphones, les tables de mixage, la musique techno de Détroit, dont on va parler aujourd'hui. Bienvenue dans ce Cargo Cult qui va nous attirer vers les anneaux de Saturne. Discover the Rings of Saturn. Énorme disque signé X102 en 1992. X102, on a le droit de le dire un peu à la française. C'est un disque énorme et c'est un disque qui est au cœur même d'un triptyque. Triptyque qui, de manière plutôt conventionnelle, va s'appeler X101. Celui du jour, X102, X102, et va lui suivre, vous l'avez deviné, X103, 3-10, 3 marques, une identité colossale, parce que ça y est, autant maintenant que je dévoile le poteau rose, et que je vous dis c'est ce qui se passe derrière là. On est au début de la stricte mythologie combative de Détroit et à la genèse de Underground Resistance. UR, you are. Et avec son noyau fondateur historique, qui réunit Mad Mike, alias Mike Banks, Jeff Mills, Robert Hood. Trois énormes personnalités et qui rayonnent encore. Mais s'il débute quelque chose, quand bien même chacun des éléments, en tout cas principalement Jeff Mills, mais aussi Mike Banks, ont déjà pu être un petit peu repérés. Mais la série X100 va être le coup d'envoi de la techno-militante de Détroit, de cette pugnacité, de ce vent de révolte qui va baigner finalement et gorger toutes ces productions techno-soul de Détroit. Ah, rappelons-nous ce joli mot de Derek May, parce que si on évoque une trinité, Robert Hood, Mike Banks, Jeff Mills, bah on est obligé d'évoquer la trinité elle première, les tontons, les parrains, ils ne sont pas beaucoup plus vieux que les rejetons d'ailleurs, hein, dans cette histoire-là. Donc l'axe Derek May, Kevin Sanderson et bien sûr Juan Atkins. C'est eux qui enfantent la techno. Et Juan Atkins le premier. Mais très vite, ils vont avoir des petits diables autour d'eux qui sont effectivement des gens comme Jeff Mills ou Robert Hood qui vont aussi être remplis d'idées. Derek May a été assez, et il est toujours très à l'aise dans ce rôle-là, la porte-parole de la techno de Détroit. Il avait le sens du mot, du verbe et de l'aphorisme, et celui-ci a fait date. Quand il s'agissait de définir la techno de Détroit, Derek May dit « La techno de Détroit, c'est la rencontre de Kraftwerk et de George Clinton dans un ascenseur. » C'est fabuleux. C'est fabuleux, et puis c'est vrai, évidemment. Mais à ce mot-là, Robert Hood va contrecarrer et en tout cas prolonger la définition à l'image de la musique qui est en train de se faire avec Underground Resistance, et lui va dire « La techno, c'est la rencontre de Kraftwerk et de Malcolm X. » Et c'est exactement ça aussi. Et c'est surtout exactement ça dont la techno va avoir besoin à ce tout début des années 90. Car oui, on le sait, la techno, elle est déjà arrivée, elle a eu ses succès, mais finalement, elle est plutôt envisagée comme une mode passagère que comme quelque chose de durable. Il lui manque une stricte assise, il lui manque une aimantation puissante et des scènes pour pouvoir dûment s'exprimer. La scène à Détroit, elle n'est pas colossale. Il n'y a pas des clubs partout où les musiciens peuvent jouer, encore plus quand ils sont dans les radicalités, dans une grande résistance. Détroit, ce n'est pas Chicago, ce n'est pas New York. C'est pas... Les gens ne sortent pas dehors en dansant toute la nuit, en se tapant dans la main. Ouais, on recommence, on fait une fête demain. Déjà, si vous arrivez à une fête normale et en organiser une, c'est pratiquement un miracle à Détroit. Donc, la reconnaissance va se faire ailleurs, elle va se faire autrement. Et là, elle va se faire à travers un axe absolument important et qui va naître au moment de l'apparition de ce disque. Bah, c'est l'axe qui va faire la liaison entre la ville de Berlin, Allemagne évidemment, et puis Detroit. Ces deux villes sont finalement un petit peu exsangues d'une industrie qui les a un peu laissées tomber. Quoique très séparées culturellement l'une de l'autre, finalement, elles arrivent à trouver des liens. Dans l'une comme dans l'autre, trouver des warehouses et installer des fêtes n'est finalement pas si compliqué. Berlin, en 1991, on est quelques mois, à peine deux ans, la chute du mur. Hein, c'est en septembre ou octobre 1989, je crois, que le mur tombe. Donc on est vraiment très très peu de temps après. Et ma foi, il y a une nouvelle énergie, il y a une nouvelle génération qui pousse au cul. Et l'équipe fondatrice de Trésor va être en captation et en rayonnement immédiat de ça. Donc Trésor, c'est marrant, on en parlait la semaine dernière et on a raison de faire le lien aujourd'hui, quand bien même on s'échappe du noyau fondateur de Trésor et des Allemands qui étaient Marc Ernst-Just et puis Maurice von Oswald. On parlait pour Basic Channel, énorme disque et énorme carrière aussi. Le disque qu'on campait la semaine dernière, lui paraît en 95, celui du jour, lui est de 92. Trois ans, c'est peu, on regarde une histoire qui est maintenant assez importante. Mais à l'époque, trois ans, voire quelques mois, c'est beaucoup. On est dans une musique de l'immédiateté, avec ses propres réseaux de diffusion qui n'ont pas besoin d'être colossaux pour pouvoir rayonner. Et puis, apparaît une nouvelle race de pigeons voyageurs talentueux, c'est les DJ. Alors, à ce registre-là, Jeff Mills va être très vite un des premiers, un des meilleurs, et à mon avis, il l'est toujours d'ailleurs, et qui va pouvoir passer la bonne parole en jouant, bien sûr, sa propre musique, mais aussi celle des copains, et en faisant rayonner un son de Détroit, mais plus facilement et de manière plus efficace et talentueuse que n'importe quel attaché de presse qui pourrait travailler dans une maison de disques, qu'elle soit d'ailleurs indépendante, un peu branchée, ou une major. Les majors, c'était un petit peu essayé avec la techno de Détroit, en jouant bien le coup d'ailleurs. Virgin, avec leur division Ten Records, avait fait deux compilations coup sur coup, qu'on puisse donner de la visibilité à des gens comme Kevin Sanderson, le strict début de Carl Craig, Blake Baxter, quelques autres. Et puis c'est grâce à Ten Records aussi, donc un petit peu porté par Virgin, qui avait pu éclore l'énorme tube Big Fun de Kevin Sanderson sous patronyme Inner City. Fantastique, historique. Mais un feu de paille, finalement, s'il n'y avait eu juste ensuite, cet acte fondateur, militant et révolté que va constituer Underground Resistance. Et la constitution, ça commence par ce tout premier disque. Et c'est là que le coup est génial. Le X101, c'est un disque qui va être fait sur Trésor, qui va être vendu par Trésor en Allemagne et qui donc va toucher un public qui ne va pas être le public américain. Le public américain va tarder à venir sur la techno, mais plus que tarder. Hein. Et encore, même aujourd'hui, on peut se demander s'il est à peine dedans. Quoi. Tandis que l'Europe va attraper le truc immédiatement. Et ma foi, de fait, à quelques amis, on va passer à des rêves de 5000 personnes, et spécialement en Berlin, ça va être immédiatement assez colossal. La constitution d'un club comme le club Trésor va être extrêmement importante. Et d'autres vont suivre en imitant finalement plus ou moins bien Trésor. Parce que, ne mentons pas, c'est Trésor qui était dans une espèce de radicalité pure et dure et qui a trouvé finalement en Underground Resistance un sparring partner parfait. Quand X ou un O2 est prêt et envoyé à Trésor, j'adore cette histoire, Trésor écoute même pas les DAT ou quoi que ce soit. Underground Resistance a totale carte blanche. Trésor dit de toute façon, on prend, de toute façon, on signe. Et au moment de signer, au moment de faire le disque, c'est peut-être là qu'ils l'écoutent et qu'ils se disent waouh, qu'est-ce que c'est ? Parce que malgré toutes les pincettes qu'on pouvait prendre, malgré cette techno-militante qui avait déjà frappé à la porte, elle n'a pas frappé à la porte, elle a pété la porte, c'est le fameux disque X101, et ma foi, comme on aura deux heures aujourd'hui ensemble, on s'offrira une sortie en écoutant une bonne partie, si ce n'est tout, c'est pas un disque très, très très long, c'est en fait un EP, mais qui est devenu par la suite le premier album officiel de la trilogie, parce qu'il a été dûment pressé en CD. Exactement comme le sera le X102, alors que lui, on écoute aujourd'hui. Rediscover the Rings of Saturn. Alors allons-y. Tout est dans le titre. Concept album pur, dur, magnifique ésotérique et afro-futuriste à la fois. On sait à quel point la mythologie, science-fiction, cette cosmogénie va imprégner la musique de Détroit. Mais finalement, cette première empreinte, elle se fait là. Elle se fait exactement avec ce disque de X-102. Et elle va continuer à baigner les productions, beaucoup celles de Jeff Mills par la suite, mais aussi celles d'autres gens. Alors revenons un petit peu à ce trio et voyons un petit peu comment les histoires se sont faites. On en sait plus aujourd'hui qu'à l'époque. Évidemment, le secret faisait partie de la stratégie de conquête. La dissimulation était aussi une manière forte de persuasion. C'est extrêmement intelligent, la techno de Détroit, et Underground Resistance, plus que les autres, presque. Mais aujourd'hui, on en sait donc un peu plus. Effectivement, donc dans ce trio, Mike Banks, alias Mad Mike, Jeff Mills et Robert Hood, il y a des temps. Le X-101 est finalement plus une affaire de duo entre Mad Mike et Jeff Mills, qui se connaissent déjà depuis un moment, et Robert Hood, qui va quand même mettre la main à la pâte, mais qui est le stagiaire permanent, d'une certaine manière. Il est le disciple direct de Jeff Mills. Et Robert Hood va finalement prendre plus d'importance sur le deuxième album, X-102. Et je pense que c'est peut-être le seul disque avec cette trinité d'origine où chacun va être à égalité. Le disque est parfaitement équilibré. Et en même temps, c'est un concept album. Il va passer de l'ambiante à l'expérimental jusqu'à la hard techno dévastatrice. Et tout ça en volute, tout ça en conquête fine et féroce à la fois, quoi. Et l'unité des trois sons, des trois styles est absolument fabuleuse. Le X-103, je l'adore aussi. J'ai peut-être même une préférence pour celui-là. Mais alors là, je suis en train d'avouer quelque chose qui est presque inavouable. Et puis d'ailleurs, il n'est pas question de préférer un ou l'autre. Mais le X-103, lui, va... Bah déjà, son thème va changer. Il va s'appeler Atlantis. Et donc, Atlantis le dit bien, il va chercher une forme de quête afrofuturisme sous les mers, sous l'Atlantique. Et en ce sens-là, il est totalement au coude à coude avec la mythologie aquatique que va créer un autre groupe colossal de cet environnement de Détroit, et aussi signé sur Underground Resistance, mais dans un avenir très très proche, qui n'est pas encore l'ici et maintenant dont on parle aujourd'hui, c'est Hydraxia. Les habitués de Cargo Cult se rappellent qu'on a consacré un programme très long sur le premier album, double CD de Hydraxia, disque colossal qui compilait finalement beaucoup de disques sortis notamment chez Underground Resistance. Alors, quand on parle d'Underground Resistance, c'est toujours difficile, mais Underground Resistance, mais qui? Mais quoi? Parce que Underground Resistance, en fait, après ce disque-là, va devenir pas tant un groupe qu'un groupuscule. Et dans ce groupuscule, les identités vont permuter, vont changer, plus ou moins dissimulées, des fois strictement dissimulées, des fois clairement avouées, mais toujours avec Mad Mike comme sous le nom Marcos, si vous voulez, de cette division électronique de Détroit. Les premiers lieutenants, on les a identifiés, et ils vont continuer leur route brillamment, Robert Hood, Jeff Mills. Mais suite à ça, il va y avoir d'autres lieutenants autour de Mad Mike, et ça continue. Et Mad Mike, du coup, de parrain, est devenu un papa, maintenant, autour de jeunes tribulons techno qui continuent à joindre la bande. Mais voilà, là, c'est après les années 2000. Qu'est-ce qu'il en est au strict début des années 1990? Bah, allons-y. Comme je dis, on sait peu de choses sur l'un et l'autre, mais on devine. Il est intéressant de signaler que Mad Mike aurait, mais ce conditionnel devient quand même assez de plus en plus certifié, mais aurait été dans l'entourage direct de George Clinton. Ça, c'est pas tout à fait étonnant. Parliament Funkadelic, puis Funk, qui avait quand même élu base à Detroit depuis les années 70. Quand même l'origine du groupe n'est pas là. Ils viennent du New Jersey. Donc, cet univers, puis Funk, déjà cosmogénique et afrofuturiste à lui tout seul, Parliament Funkadelic et d'autres, avait aimanté évidemment pas mal de musiciens locaux. Et il semblerait que, dans son jeune âge, autour de 17 ans, Mad Mike ait joué de la guitare. À la fois sur scène et à la fois sur disque. Et notamment sur un des meilleurs spin-offs de P-Funk, qui est celui des Brides of Funkenstein. Les fiancées de Funkenstein. Alors, ok, c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais, on n'est pas loin. On est dans la racine funk. On est dans la racine et la mythologie funk, noire, afro-futuriste. qui va se trouver bouillonnante, révoltée et chauffée à blanc, avec Underground Resistance. Donc tout ça se tient bien. Jeff Mills, bah, lui aussi, il a déjà commencé. C'est The Wizard, à 15 ans, c'est déjà un DJ exceptionnel. Et aujourd'hui, à plus de 50, c'est toujours un DJ exceptionnel. Jeff Mills est une incarnation d'une force et finesse dans un seul caractère. Et l'histoire montrera très très vite, elle est en train de se faire là, au début des années 90, que Jeff Mills est un extraordinaire DJ et un excellent producteur. Très peu de talents arrivent à unir les deux talents en un seul, faut pas mentir. On est souvent meilleur dans un champ que l'autre, ce qui peut paraître normal. Mais voilà, quelques exceptions géniales comme Jeff Mills méritent d'être signalées. Et ben voilà, et en troisième larron, Robert Hood, qui lui, plutôt que de faire plus expressif que les deux autres, va choisir l'inverse. C'est encore plus génial. On doit, semble-t-il, à Robert Hood, cette appellation minimale techno. Bon, par essence, la techno, elle est minimaliste. Mais effectivement, Robert Hood va ajouter du minimalisme sur le minimalisme. Il va élaguer comme ça les notes. Il va enlever les snares, il va enlever les cymbales pour parfois juste faire apparaître un tout petit hi-hat comme ça en bout de course d'une ligne de basse incroyable. Et le truc va surgir comme ça, comme un extraordinaire événement au milieu d'une autoroute de son, quoi. Faire sensation avec trois notes, là où beaucoup en mettraient 12, c'est probablement ce qui est le plus dur, et Robert Hood va exceller dans tout ça. Et donc voilà que ce disque X102 va mettre ses trois talents à égalité pour un album imparable, mais total concept album. Et là, je vais revenir sur sa fabrication. Jamais on a vu un disque comme ça physiquement. À quoi il ressemble ? C'est un double maxi. Ce double maxi, bah, comme chaque disque, hein, va intégrer un sillon, un vinyle, et puis de la périphérie, vous allez aller vers le centre. Mais qu'est-ce qu'on trouve aussi dessus ? Et ça s'est jamais vu, ou quasiment pas. En tout cas, quand ça s'est vu, c'est pas dans ces camps-là. On trouve des sillons fermés, ces fameux locked grooves, qui ont existé de ci, de là, dans quelques disques un petit peu audacieux, expérimentaux, qui concluait la phase d'un disque avec un sillon qui se fermait sur lui-même, mais à la fin du disque, donc au bord du macaron. Qui l'a fait ? Bah, pas mal de gens, y compris des bons qui pouvaient se permettre ce genre de luxe. Les Beatles. La quatrième phase, bah oui, c'est donc la fin de Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band. Et quand je dis quatrième phase, oui, puisque c'est un double. Fini comme ça, sur des voix qui se répètent un petit peu dissonantes. Encore plus notoirement, j'en ai parlé aussi ici, c'est le disque inaudible et sublime à la fois de Lou Reed, Metal Machine Music, qui finit aussi par un sillon fermé. Et alors, j'ai appris récemment, mais je n'ai pas pu vérifier, mais je promets de le faire, que le disque de Abba, alors c'est, je ne suis pas très fort en discographie d'Abba, vous allez peut-être m'en vouloir pour ça. Si l'album qui s'appelle Super Trooper, apparemment finit comme ça. Ah, je vous promets que quand je trouve le sillon fermé de Abba, Super Trooper, je vous l'offre en prochain générique, au moins provisoire, de Cargo Cult. Bon, et puis sûrement quelques autres, évidemment. Les Pink Floyd l'ont fait aussi sur Atom F. Mover. Mais là, la nouveauté, c'est de faire l'anneau. On parle des anneaux de Saturne. Chaque titre renvoie à la science de Saturne, au nom même des anneaux, parce qu'ils sont nommés, ils ont des anneaux. Il y a des scientifiques qui travaillent sur ça depuis un moment, évidemment. Donc il y a de l'information sur Saturne dont va servir X102, alias Underground Resistance, alias Robert Hood, Jeff Mills et Mike Banks, pour pouvoir évoquer leur disque et leur mythologie. Et donc, il va ni plus ni moins y avoir qu'une reconstitution complètement audacieuse des anneaux eux-mêmes sur le disque vinyle. Ça veut dire que les morceaux sont eux-mêmes entourés par des boucles. Boucles qui vont cycliquement se répéter 1,8 secondes, donc un peu moins de 2 secondes. Quand vous faites tourner à 33 tours un tiers un disque, et ben voilà, la périphérie va se répéter précisément à son point de départ sur une course de 1,8 secondes. Bah, supposez que vous ne pitchiez pas en haut ou que vous ne pitchiez pas en bas la course de votre truc. Mieux encore, il a été précisément établi que pour que cette course fonctionne, en termes de BPM et que vous ne cassiez pas votre rythme, il fallait caler l'unité de mesure à strictement 133,6 BPM. Eh bien, les gars d'Underground Resistance vont s'y atteler. Principalement Jeff Mills, et finalement un peu par hasard. Et en cela, conseillé par un gars génial, un technicien à qui toute la techno de Détroit doit quelque chose d'énorme. Et c'est marrant parce que c'est pas du tout un musicien. C'est un graveur. C'est le gars qui va presser les disques. C'est Ron Murphy. Ron Murphy, un blanc, tout blanc sur lui, dans une des villes les plus noires des États-Unis. C'est un blanc bec qui a pignon sur rue et qui a connu, qui a déjà travaillé avec Motown dans les années 60. Donc, c'est pas du tout la même génération que ces jeunes trublions-là. Mais bah, quand il a fallu, et spécialement à Détroit, parce que rappelons qu'il y a une stricte indépendance des labels qui donne finalement, à défaut de donner de l'argent et un pouvoir financier à ces labels-là, ils ont une totale liberté et la possibilité d'exprimer des idées qui seraient absolument inapplicables ailleurs. Et quand quelqu'un comme Ron Murphy, un petit peu attiré par le concept même dont venait lui parler Jeff Mills avec les Rings of Saturn, avait cette idée en tête de créer un sillon fermé. Alors, création, qu'on n'est pas une. Nous, on va se faire une petite histoire entre nous. On va la faire un peu franco-française, mais le sillon fermé, que diable ! Ben oui, c'est la musique concrète. 1948, Pierre Schaeffer, les études de bruit, ça commence comme ça. Ce n'est fait que comme ça et ce n'est fait que pour ça. En emprisonnant, effectivement, une information qui va se répéter, parce que c'est bien l'enchaînement de la boucle et la répétition, finalement, d'un signal enregistré sur un disque qui va donner ce concept de boucle. Et ma foi, Schaeffer, Pierre-Henri et puis tous les autres vont garder ce geste et cette mémoire de la boucle quasiment ad vitam aeternam. Mais ils vont d'autant plus le faire qu'à la première époque de la musique concrète, quand ils vont tourner avec des disques et des platines tourne-disques, et non pas encore des bandes, c'est finalement une technique obligée. Il n'y en a pas d'autre. La technique de la bande, elle va développer ça et permettre des boucles beaucoup plus longues. Mais elle restera fondamentalement dans ce geste primaire qu'est la boucle. Et ben voilà qu'avec X102, Underground Resistance redécouvre, ou découvre peut-être par eux-mêmes, ce geste de la boucle. En un mot, ils nous font l'objet sonore techno par excellence. Et pas du tout sûr qu'il y ait eu une connaissance du travail préalable de la musique concrète à la stricte fin des années 80, tout début des années 90 de ce côté-là. Pas du tout sûr. Donc c'est un acte comme ça, empirique et génial. Je reviens à Ron Murphy. Ron Murphy donc dit, bah, va, on tente le coup et il donne à Jeff Mills même à écouter le truc. Mais Jeff Mills, quoi, on est dedans, oui, ça marche, tac, tac, tac, tac. Mais il y a un moment, Jeff dit, mais je comprends pas, il y a un hi-hat qui doit sortir là, un moment, pourquoi il pas le... tu l'as pas gravé ? Et je dis, ben non, c'est la boucle. Et effectivement, physiquement, cette boucle est représentée. Donc il y a pas, on reste sur 1,8 secondes de lecture. Donc on peut pas rentrer toute l'information qui est censée être contenue dans un morceau qui fait 5 minutes. Quand bien même, il repose sur une stricte boucle répétitive. Emballé, c'est pesé. Trésor, qui a dit, de toute façon, on prend l'album. On n'écoute pas de DAT, on n'écoute rien avant. Carte blanche, les gars, carte blanche entière pour le contenu, pour le concept, pour la pochette, pour le logo. Trésor reçoit le truc en disant, mais comment on lit ce disque-là ? Comment on fait ? Donc il voit bien que si on ne cale pas strictement la cellule sur le sillon, ça va déraper. Et puis, parfois, si on cale bien la cellule sur le sillon, ça lit, mais qu'est-ce qu'on fait après ? Pendant que le truc, il est lu sur une périodicité d'1,8 seconde, et le tout répété 3 fois, 4 fois, 12 000 fois, si on le veut. Mais voilà, l'idée était ça, le concept était ça, et croyez-moi, il va être repris. Jeff Mills va le reprendre, Robert Hood va le reprendre, trop de gens vont finalement les imiter. Donc quand on a commencé à avoir après des fabrications de sillons fermés, c'était directement inspiré par Robert Hood, Jeff Mills et Mad Mike, plus que par Pierre Schaeffer et Pierre-Henri. Il nous faut bien l'avouer. Quand bien même l'invention des Français, elle remonte à pas mal de temps. Alors voilà cette parenthèse, pour une parenthèse qui somme toute n'en est pas une. Donc on va réécouter ça, mais alors pour le peu, je vais entre guillemets tricher légèrement, parce que X102 et pour des besoins après de réédition et de commercialisation du CD, a pas pu imprimer sur le CD ces boucles. Là, on comprend que ce ne soit pas possible. C'est quelque chose qui peut former, marcher sur un format strictement analogique et de toute façon que sur un format de vinyle gravé, avec cette technique un peu coûteuse. Hein. Donc, c'est aussi un poids que d'ajouter ça à la fabrication d'un disque. Le CD, lui, a recréé ses boucles et leur a donné une petite évolutivité. Je ne sais pas employer le mot évolution. J'ai inventé celui-là. Mini-évolution dans la révolution des anneaux de Saturne. Et en l'occurrence, donc, il y a deux éditions de ça. Et celle qui fait loi maintenant, je la trouve très intéressante, c'est celle-là qu'on écoute. Il y a X-102 Discover the Ring of Saturn. Et il y a X-102 Rediscover the Ring of Saturn. Et ça va être l'édition définitive, la plus complète et la plus intéressante parce qu'elle va récupérer quelques scories qui n'avaient pas pu être mises sur le disque et que je trouve absolument passionnantes et qui, elles, ont été une édition définitive de 2008. Donc, il y a le X-102 original de 92 et le X-102 définitif de 2008. C'est le même disque. Hein. Il est sensiblement remixé, mais c'est quand même le même disque, le même contenu, mais avec quelques développements très, très légèrement différents et finalement un petit peu plus d'informations sur le CD définitif. C'est Jeff Mills qui s'était mis aux commandes du projet à ce moment-là, mais évidemment sans écarter les fondateurs d'origine et les amis d'origine, donc je le rappelle, Mike Banks et Robert Hood. Voilà. Bah dis donc, il est grandement temps qu'on rentre dans ce disque avant d'évoquer peut-être un peu les carrières et les tangentes que feront tous ces gens-là. Alors, on les évoquera un peu parce que chacun mérite deux cargos cultes à lui tout seul. Hein. Donc, on se contentera d'amorcer quelque chose et suggérer des voies. Par contre, il est absolument vital de se baigner maintenant dans cet objet sonore pur et dur qui n'a absolument pas d'équivalent à l'époque et qu'on ne veut pas en avoir beaucoup par la suite non plus. Et qui est marque mais une déflagration absolument majeure dans le paysage de la musique globale. Et ça, c'est pas seulement sur une culture rêve naissante, sur une culture techno bouillonnante, quoi. Ce disque-là est fondamentalement un des 10 disques les plus importants jamais enregistrés. Quoi de plus normal que ce soit notre cargo culte d'aujourd'hui. Bonne écoute donc de ce Discover the Rings of Saturn par X-102.

Vous avez vu comment on s'échappe doucement. Puis moi, j'ai un petit larcène en même temps, parce que forcément, j'ai mis un retour. Ça s'écoute plutôt très fort que moyen fort. Vous voyez ce qu'on veut dire. Bon, ben oui, Bah oui, je sais pas quoi dire après ça, parce que tout est dit, hein. X102, toutes les trajectoires techno sont contenues là, quoi. C'est-à-dire celles qui existent à l'époque, on est en 1992, mais celles qui vont s'affirmer par la suite, quoi. Toutes. L'ambiante, expérimentale, techno, art techno, groovy, martial, froid, chaud, et une parfaite unité, un concept absolument parfait. La messe en latin, comme le dit JBB sur le chat. Oui, oui, parce que ce disque, il est tellement fondamental. La messe en latin, voilà. Alors attention à ne pas recréer une orthodoxie à partir de la non-orthodoxie. Parce qu'évidemment, ce disque est fait pour donner un coup de pied au cul à la techno qu'aura pu tourner soupe. Puisqu'effectivement, il y a un moment où ça frétille. Il y a cette indépendance bouillonnante qui attire quand même les majors et les non-majors. L'intelligence de ce deal entre Trésor et UR a fait que finalement, l'un et l'autre ont strictement gagné, ont pu conquérir leur indépendance et gérer parfaitement le circuit de distribution et de pressage. Mais ça coûtait de l'énergie et certainement beaucoup de talent. Le paradoxe, mais ce n'est pas finalement un, c'est que dès la sortie de X102, le groupe finalement va se séparer. C'est-à-dire que le trio d'origine, Mad Mike, alias Mad Monks, Jeff Mills et Robert Hood, va tracer son chemin, mais sans se quitter vraiment non plus. Moi, je rapporte cette anecdote et cette discussion que j'ai pu avoir avec Mad Mike, et au cœur de Détroit, au cœur de Submerge, l'entité de distribution qu'il avait créée, et qui me disait, cette discussion assez fondamentale qu'il a avec Jeff Mills, justement, à l'apparition de ce disque, et Jeff Mills dit « quelqu'un doit y aller ». Quelqu'un doit y aller, ce qui veut dire que quelqu'un doit courir le monde, quelqu'un doit jouer à l'extérieur, quelqu'un doit porter le truc. Et Jeff va le faire avec un brio inouï. Et Mike va dire oui, et quelqu'un doit rester. Et Mike va rester. Ce qui veut dire concrètement, effectivement, Jeff Mills part à New York. Il part à New York et il devient DJ résident en 1992 du club Limelight. Alors attention, on est à New York, on est dans un des plus gros clubs de la capitale, la stricte indépendance, et on peut tout à fait imaginer, quand bien même il s'y passait des trucs assez formidables, évidemment c'est du gros machin, mais c'est du business colossal, avec des mafias plus ou moins louches derrière, enfin bref, c'est l'empire de la nuit, on est à New York. Donc, Jeff Mills, au milieu de tout ça, va tirer superbement son épingle du jeu, mais il va lui-même pas rester. De New York, Jeff Mills a piloté une palanquée de labels, je ne vais pas tous les nommer, mais il y en a deux très forts et principaux. Ils feront loi, ils feront date sur toutes les années 90. C'est le label Axis. Axis va être dédié aux productions parfois expérimentales, ambiantes, mais très très ouvertes quand même, groovy, enfin un style techno très très, très, très Jeff Mills. Et le label Purpose Maker, alors qui lui va être une techno très martiale, assez rentre-dedans, qui va signer quelques tubes immenses. Et continuer ces deals d'import-export entre Trésor et les labels propriétaires de Jeff Mills ou encore de Grand Resistance. Je le dis, cette union, elle va être assez durable et profitable à tout le monde. Et puis de fait, bah, elle va diffuser au club Trésor, certes, le label Trésor, bien sûr, mais bah, après, dans toutes les places techno-européennes, dans toute cette scène rêve qui se constitue à ce moment-là, et peut-être encore un petit peu plus fort dans les années qui suivent. Robert Hood, lui, crée aussi son label, formidable label, plus discret d'ailleurs, hein, comme toute la production de Robert Hood, mais extrêmement intéressante. M-Plant, beaucoup de sorties chez M-Plant. Robert Hood, tout comme les autres, pourra accessoirement signer d'ailleurs des titres ailleurs, sur les labels des copains, Metroplex par exemple, c'est le label de Ron Atkins, et là aussi encore chez Trésor ou ailleurs. Et quant à Mad Mike, bah lui, non content de créer un label, il créera même plusieurs, mais surtout il crée cette maison de distribution Submerge. Très important d'avoir un distributeur. Quand vous êtes un label, mais que vous n'êtes pas distribué, vous êtes un peu le bec dans l'eau. Donc Submerge bah, va distribuer les labels maison, mais aussi les labels des copains. Donc on va trouver à peu près l'essentiel de la scène de Détroit distribué par Submerge. Et puis bah, les productions personnelles, mais alors jamais strictement identifiées de Mike Banks. C'était le jeu du truc. Autant Robert Hood et Jeff Mills, eux, vont œuvrer à visage découvert, autant Mike Banks, jamais. Alors on suppute. Il a raison, mais même si on est sûr à 95%, il restera toujours un tout petit doute qui plane, que le label Red Planet, alias The Martian, tient sur les productions essentiellement et 100% celle de Mad Mike. Et il semblerait que ce soit le cas. Mais laissons planer le doute, ceci, cela. Bon, de même qu'il y a des productions entre Drexia et Mad Mike. Mad Mike va devenir le parrain de Drexia. C'est vraiment, il va tomber amoureux de ces petits gars et faire en sorte qu'il se passe quelque chose. Et le mythe Drexia, ça va être une des fondations d'Underground Resistance. Parce qu'Underground Resistance, en tant que trio, va devenir Underground Resistance en tant que combo, quoi, en tant que groupe ouscule et en tant que label aussi. Et dans le label, bah, il va y avoir des productions. Bah, je sais pas, je parlais de Black Baxter tout à l'heure. Bah, voilà, il y en aura sûrement. Suburban Night, aka James Pennington. Voilà, c'est les noms qui me viennent, mais on peut en trouver 10. Et plus une jeune génération qui va arriver après, hein, même à l'aube des années 2000 et au-delà, et qui va continuer, si vous voulez, à porter le truc. Donc là, inutile de se livrer dans une énumération où on se perdrait nous-mêmes. Mais la fondation, elle est là, et elle dure. Revolution for the Change. C'est ce qu'avait dit Mad Mike. Et ma foi, bah, ouais, on y va. J'ai envie de revenir. Alors tiens, il faut que... Parce que ça ne vous aura pas échappé. C'est Y qui veut dire, oh, il y a ce titre qui est à l'envers. Bah, oui, quand même. Puis ce n'est pas juste pendant 30 secondes. Le titre entier, 4 minutes 30, est mis à l'envers. Il y a eu quelques facéties, hein, comme ça, sur des labels d'Underground Resistance. Un maxi, par exemple, dont il fallait jouer la face A et la face B en même temps, donc ça sous-entend d'avoir deux fois le titre, pour pouvoir jouer le morceau tel quel, dans son intégrité. Il y a eu encore un disque dont la lecture partait du centre pour aller vers la périphérie. C'était tout un bordel, il fallait régler le bras et tout. Ça aussi, je crois que c'était une idée de Ron Murphy, qui est donc... le gars à Détroit, ce contemporain de la Motown, qui œuvrait déjà dans les années 60 avec Berry Gordy, mais qui a eu cette idée géniale de graver donc des sillons fermés, des lock grooves, pour coller pile poil au concept du disque qu'on a écouté aujourd'hui, The Discoveries of the Rings of Saturn. Voilà, les bouclés. Et bouclés, si j'ose dire. Donc, oui, ce titre qui est passé à l'envers, bah, allez, ouais, je vais être sympa, je vais vous le mettre à l'endroit, parce que dès que j'ai pu, j'ai fait en sorte de. Mais il y a longtemps, hein, de mettre ça dans la Digital Audio Workstation, j'en donnerai pas le nom, et pour pouvoir lire ça à l'endroit. Alors je vais vous être franc avec vous, c'est un peu décevant en fait, parce que c'est vraiment bien à l'envers, c'est tellement mystérieux et incongru qu'on l'aime à l'envers, avec cette frustration de ne pas pouvoir l'entendre à l'endroit. Puis bah, une fois qu'on l'entend à l'endroit, on fait bon bah ça y est, c'est à tour de l'endroit. Vous savez, c'est comme les tours de magie, quoi. Quand il y a le magicien qui sort un lapin du chapeau, c'est super épaté. Mais une fois que vous savez comment on fait sortir le lapin du chapeau, bah c'est, évidemment, c'est moins marrant. Alors voilà ce titre, le fameux Descending to the Surface, que je vais jouer à l'envers. Mais comme l'original est à l'envers, suivez-moi bien, nous allons donc l'entendre à l'endroit. Et on se retrouve juste après, promis. Promis. Voilà. Et bien sûr, le cut obligé qui était l'introduction originale qui devient la fin une fois en reverse. Hein. Vous m'avez suivi. Hein. Donc ça y est, on peut dire que vous avez le droit à l'entièreté, l'intégrité totale, pardon des pléonasmes successifs, de ce disque mythique. Hein. X-102, Discovers the Ring of Saturn, et puis son prolongement, Rediscovers the Rings of Saturn. Alors, quitte à boucler la boucle, qui d'ailleurs ne se bouclera jamais, et c'est ça qui est tant mieux, j'évoquais et j'insiste hein, sur ce triptyque qui arrive à être extrêmement étendu. Les trois disques sont différents. Ils forment de fait un triptyque, mais ils sont très différents l'un et l'autre. Le X-101 est assez brutal, il est rentre dedans, il va camper la mythologie première d'Underground Resistance, hein, c'est-à-dire que tout ce truc, voilà, Sonic Warfare, Fuel for Riot, Sonic Destroyer, voilà, tout ça, c'est des titres qui vont résonner et donner une marque de fabrique à Underground Resistance, et spécialement à Mad Mike. Sonic Destroyer étant effectivement l'ouverture de ce fameux disque X101. Disque UR, mais disque qui va être la toute première signature du label Trésor en Allemagne. J'insiste sur ce lien parce que c'est très culotté de faire un disque juste pour signer quelque chose de très loin. On a conscience qu'il faut chercher quelque chose là. C'est la déflagration première, elle est essentielle. Et pour le peu, alors c'est pas la plus fine du parcours. Évidemment, le X102, pour le peu, est beaucoup plus mûr, beaucoup plus mature. Il éclate les directions que j'évoquais tout à l'heure, flirte avec l'ambiante et l'expérimental. Et finalement, cette prolongation va être encore plus marquée et certainement plus subtile dans le X103, qui lui paraît donc en 93, hein, il y en a un par an, hein, successivement. Et le X103 qui marquera la fin du truc, en fait réunit, on le sait maintenant, exclusivement, et en tout cas quasi exclusivement, Jeff Mills et Robert Wood, et finalement ça s'entend. Et choisit ce parti pris aquatique, parti pris de l'Atlantide noire. Concept encore plus brillamment relevé et prolongé par la suite par le duo Drexia, on en a parlé déjà. D'où ce triptyque parfait, un disque terrien, un disque stellaire et un disque aquatique. Restons les pieds sur terre, on a quelques minutes, alors je nous offre le début de l'album X101, Sonic Destroyer, titre phare, si vous voulez, par excellence, hein. Mais tout l'album est bien, il est petit, hein. C'est un maxi en fait, un maxi un peu prolongé, 4 titres sur l'édition UR et 6 titres sur l'édition Trésor. On ne les écoutera pas tous, mais croyez-moi que les premières notes de Sonic Destroyer, alors là c'est plus de la messe en latin, si vous voulez, c'est les tables de la loi. Voilà. Merci de votre écoute, c'était Cargo Cult et c'est UR dans toute son excellence.